comme chaque lundi, nous parlons de l'humain, du vivant et aujourd'hui du cerveau. Fin septembre, une équipe de l'Institut de sciences cognitives Marc Jeanneret à Lyon annonçait avoir réussi à augmenter l'état de conscience d'un patient en état végétatif depuis 15 ans grâce à une stimulation électrique répétée du nerf vague. L'homme, qui ne réagissait à aucune stimulation, a ainsi pu répondre à des demandes simples comme suivre un objet avec les yeux ou tourner la tête. Ce protocole, qui pose de nombreuses questions, signale-t-il les prémices d'une meilleure compréhension et d'une nouvelle forme de prise en charge des états de conscience diminués? Et que sait-on exactement de ces états de conscience des patients inconscients? Comment accéder à la conscience chez l'inconscient? C'est le problème que nous allons tenter d'éclairer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de la recherche et de nos connaissances sur ces états limites de la conscience, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis les studios de nos confrères de la RTBF à Liège, Steven Lorès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue au CHU de Liège, professeur à l'Université de Liège, spécialiste du coma et de la conscience, et vous êtes l'auteur également de « Un si brillant cerveau, les états limites de la conscience » chez Odile Jacob. Voilà, vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors Steven Lorès, je voudrais commencer par cette actualité qui a donné lieu, qui a été le point de départ de notre émission. Ce protocole que j'évoquais à l'instant, qui a permis d'obtenir des réaction d'un patient en état dit végétatif, c'est-à-dire en éveil non répondant depuis plus de 15 ans. Ça a été publié dans la revue américaine Current Biology fin septembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était ce protocole pour commencer? Alors ici, on a un jeune homme qui a eu un trauma crânien, qui a survécu à son coma, aux soins intensifs, qui se réveille, c'est-à-dire il ouvre les yeux, mais à un moment, il reste dans cette situation dramatique où tous les mouvements sont considérés comme des réflexes. En effet, c'est ce qu'on appelait état végétatif. Je n'aime pas le nom. On parle d'un éveil non répondant parce qu'ils répondent pas à la commande. Il n'y a pas de réponse cognitive. Et donc ici, nouvelle possibilité de traitement où on va mettre un sort de pacemaker, mais pas pour stimuler le corps, mais maintenant un nerf qui va stimuler les zones profondes du cerveau. C'est la stimulation électrique du nerf vague qui est bien connue chez des patients avec une épilepsie qui ne répondent pas aux médicaments. Et donc, on a observé une amélioration de son niveau de conscience, et cela des années après son coma. Il faut préciser que c'est un protocole qui a duré sur de nombreux mois, plusieurs années même, je crois. Alors ici, oui, je pense que c'est important de souligner que c'est vraiment un projet de recherche expérimentale. On parle d'un seul patient, donc on ne peut pas généraliser. Il faut évidemment beaucoup plus d'études pour essayer de savoir chez quel type de patient ceci pourrait aider. Il faut préciser beaucoup de choses autour de ce protocole dont on a parlé pour exactement, effectivement, comme vous venez de le faire, en définir les contours et certainement aussi, d'une certaine façon, les limites. Déjà, il faut préciser que malheureusement, ce patient est depuis mort, alors pas du tout des suites de ce protocole expérimental, mais d'une complication pulmonaire. Il faut préciser, Steven Lorès, que ces protocoles, comme vous l'avez dit, sont expérimentaux, qui sont très délicats à mettre en place. Ils demandent un certain nombre de contrôle, d'approbation de plusieurs organismes pour pouvoir y procéder et les mettre en place. Oui, tout à fait. C'est une recherche clinique qui n'est pas facile. On passe par des comités éthiques. Évidemment, classiquement, c'est le patient qui donne son consentement éclairé pour participer dans ce type de recherche, ce qui est ici impossible parce que c'est des patients qui, par définition, ne peuvent plus communiquer, ne sont même plus conscients. Et donc, c'est le représentant légal, la famille, qui va donner son accord. Je pense que c'est important de souligner que, certes, c'est difficile, mais Mais pour moi, rien n'est pire que simplement laisser ces patients. Et on parle maintenant d'un seul homme. Il y en a des centaines en France en ce moment même, dans un état similaire. Et donc, rien n'est plus grave que juste de les ignorer. Et donc, je pense que c'est important qu'on donne un accès à la recherche, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. On parle parfois du risque de faux espoirs, et je pense que c'est très important que ceux qui nous écoutent ne pensent pas que ben voilà, c'est fait, maintenant on peut guérir tous ces états de coma. Ça, c'est clairement pas vrai. Il faut faire attention, pas donner ce faux espoir, mais il faut aussi, je pense, que les collègues et la communauté médicale et scientifique ne continuent pas avec ce que j'appelle un sort de faux désespoir. Parce que trop longtemps, on a considéré que ces patients, ben, de toute manière, pour aucun d'entre eux, on peut plus rien faire. Et donc ça, je pense que c'est aussi un dogme qui est faux, même parfois après des longs délais. Il y a encore des changements qui peuvent se voir, mais comme vous l'avez dit, c'est très délicat et c'est aussi pas à nous de juger. Est-ce que c'était bien ici la récupération, c'est pas une guérison. Il faut accepter et c'est bien d'avoir un débat très transparent, très ouvert sur c'est quoi une vie qui vaut la peine d'être vécue. Oui, précisément parce que vous parlez des critiques qui ont été émises par une partie de la communauté médicale, notamment le professeur Louis Pubasset, qui est chef du département d'anesthésie et réanimation à la Pitié-Salpêtrière à Paris, estime que l'intérêt pour ce malade est discutable. Les effets d'une telle stimulation améliorent-ils réellement sa qualité de vie? Ce sont néanmoins des questions que l'on peut se poser, mais qui, pour vous, ne doivent pas empêcher néanmoins ces protocoles expérimentaux et des avancées de la recherche, Steven Lorez. Non, donc je connais bien Louis Pubasset et il travaille aux soins intensifs. Je pense que c'est un monde où il y a beaucoup de défis, mais pour certains de ces patients, on va continuer et puis on va créer hein, ces sortes d'artefacts de la médecine moderne, parce que maintenant on peut faire beaucoup, mais parfois avec des conséquences énormes. Et donc il a raison quand il dit ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on fait du bien? Est-ce qu'on fait du mal? Mais je pense que comme je l'ai dit, rien n'est pire que de considérer que c'est un sort de tabou, que on peut rien faire et on les laisse alors dans des maisons de repos et de soins ou parfois à domicile, vraiment sans aucune attention médicale. Et ça, je ne pense pas que c'est bien. Je pense que et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à réfléchir. Qu'est-ce que je veux que le médecin et l'équipe vont faire si c'est moi qui est dans cet état? Parce qu'on va tous mourir, un accident, un trauma crânien, un arrêt cardiaque, une hémorragie cérébrale, ça peut arriver à chacun de nous à chaque instant. Et donc, je pense que le mot anticipation est important. Et là, je pense qu'en particulier en France, il y a encore beaucoup de choses à faire pour essayer de responsabiliser chaque citoyen et de identifier pour moi une personne de confiance où on est très clair sur nos propres valeurs. Et cela va être différent d'une personne à une autre. Ça, il faut accepter. La religion joue aussi un rôle important. Mais j'invite chacun à réfléchir, si c'est moi, qu'est-ce que je veux qu'on fasse, et d'identifier une personne qui a aussi, alors, d'un point de vue légal, l'autorité de parler à notre place quand nous-mêmes, nous ne sommes plus capables de le faire. C'est encore mieux qu'un testament de vie, une déclaration anticipée, parce qu'on ne peut pas anticiper tous les scénarios. Bien sûr. Et on reparlera hein, tout à l'heure au cours de cette émission, une fois qu'on aura quand même bien posé et bien défini tous ces états de conscience limite jusqu'à la mort cérébrale, de l'importance de ces déclarations anticipées, notamment pour le don d'organes. On y reviendra tout à l'heure, Steven Lorez. J'aimerais juste qu'on dise un dernier mot sur ce protocole. Quelles sont les portes, quelles sont les pistes de recherche que ce protocole ouvre? Est-ce que ça veut dire que il faut, vous l'avez dit, le répéter, mais est-ce que ça veut dire qu'on comprend mieux aujourd'hui la raison pour laquelle la stimulation électrique du nerf vague, qui est un nerf qui traverse plusieurs organes jusqu'au cerveau, est importante pour précisément aider à sortir, à améliorer, à remonter un peu la pente de ces états végétatifs durables? Peut-être. Donc ça reste à démontrer. Pour le moment, il y a certains médicaments. Il y a aussi une autre technique et on a beaucoup plus d'expérience. Là, on parle d'une centaine de patients et c'est quelque chose qu'on a développé avec l'équipe ici au CHU de Liège. C'est la stimulation électrique du cerveau, mais à nouveau de manière non-invasive. Donc on va mettre deux électrodes au niveau de la tête et on stimule tous les jours 20 minutes. Et donc là, on sait que les effets sont comparables avec ce qu'on a pu observer ici chez ce jeune Français avec la stimulation du nerf vague. Et donc peut-être qu'il va falloir combiner différentes techniques. Je pense que là, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour essayer de stimuler ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire comment ce cerveau, ces milliards de neurones, de cellules, peuvent, après des dégâts très importants, se reconstruire. Et je pense que ça, c'est le défi pour la communauté scientifique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous évoquons tout au long de l'heure le coma et les différents états de conscience dits limites ou altérés. Nous en parlons en duplex depuis les locaux de nos confrères de la RTBF à Liège avec le professeur Steven Lorès, qui est neurologue au CHU de Liège. Avant d'aller plus loin dans notre conversation, il est important, Steven Lorès, de refaire un peu de travail de définition, parce que quand on parle de coma, on parle en fait, comme vous le décrivez dans votre livre, d'état de conscience limites différents, distincts, qui ne sont pas les mêmes et qu'il faut repréciser ici. Oui, je pense peut-être c'est utile de différencier deux situations. Il y a la situation aiguë, c'est le trauma crânien, l'arrêt cardiaque, l'hémorragie cérébrale, on tombe inconscient dans le coma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus réveillable. On ne va jamais ouvrir les yeux dans le coma, même quand on est stimulé. Et tous les mouvements qu'on observe, et ils sont très limités, sont des réflexes. Et il faut dire qu'il y a eu une révolution dans notre métier, c'est l'invention d'une machine, le respirateur artificiel. Avant, toutes ces personnes mouraient sur place. Maintenant, on peut assurer une respiration artificielle par la machine, une circulation artificielle si nécessaire. Et alors, on a vu quelque chose de très particulier où les trois fonctions critiques à notre corps, c'est-à-dire le cœur, les poumons et le cerveau, avant, c'était simple. Si un de ces trois ne fonctionnait plus, les deux autres vont aussi s'interrompre, être défaillants. Et puis, avec cette machine, c'était une révolution. C'était le début de ce qu'on appelle maintenant les soins intensifs. C'était aussi, d'un point de vue éthique, toute une réflexion sur l'acharnement thérapeutique. Et puis, même la redéfinition de la mort, c'est le coma irréversible où tout le cerveau a perdu son fonctionnement. Quand votre cerveau est mort, vous êtes mort. Ensuite, il y a ces personnes qui ne sont pas en mort cérébrale, mais où on sait qu'il n'y a plus de chances de récupération. Et ça, c'est très important. C'est pour l'équipe la décision de dire ben, on a perdu le combat, on va les laisser mourir. Il faut savoir qu'en France, la majorité des décès aux soins intensifs, c'est cette décision-là, où on dit on laisse aller, on laisse mourir le patient. Et puis parfois, et encore trop souvent, il y a trop d'incertitudes et on continue. Et c'est là qu'on va créer ces fameux états altérés de conscience qui, ça, là, ils peuvent être chroniques, ce qu'on appelait l'état végétatif. Donc, on va continuer les soins, le patient survit et classiquement, après quelques jours, quelques semaines, il se réveille. Mais parfois, dans un état sans conscience, donc on disait état végétatif, je préfère de parler d'un éveil non répondant. Et là, c'est un drame, parce que vous avez quelqu'un qui est vivant, qui est éveillé, mais sans aucun signe de conscience. Et cela peut durer des années, voire des décennies. Beaucoup de ces patients, nos études l'ont montré, ont quand même parfois une certaine forme de conscience. C'est ce qu'on appelle maintenant l'état de conscience minimal. Si vous voulez, c'est peut-être encore plus difficile, parce que parfois, le patient perçoit, y compris les émotions, y compris la souffrance, comme les études de neuroimagerie qu'on a menées au CHU de Liège l'ont bien démontré. Donc là, c'est très difficile pour nous parce que c'est pas nécessairement une garantie de récupération vers une communication. Ça, pour moi, c'est très important. Pour les patients qui sont capables, que ce soit de manière verbale ou non verbale, de s'exprimer, ben là, ça leur donne le droit à l'autodétermination, à dire ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils veulent. Mais pour beaucoup, malheureusement, ah, et voilà une petite rupture. Donc là, on a compris, le coma, mort cérébrale, éveil non répondant, état de conscience minimale. Et puis, il y a le pseudo-coma. C'est le locked-in syndrome qu'on connaît bien avec le livre et le film Le Scaphandre et le Papillon. Là, vous vous réveillez de votre coma, complètement conscient, mais paralysé. Et classiquement, vous pouvez uniquement communiquer par des petits mouvements des yeux. Et à quel moment parle-t-on à ce moment-là, compte tenu de cette variation, de cette gradation entre la conscience et l'inconscience? On voit bien qu'on est sorti d'un paradigme binaire, on est conscient ou on n'est pas conscient. Ce que vous venez de nous décrire est effectivement une sorte d'état intermédiaire entre ces deux états polaires ou polarisés. À quel moment décrète-t-on une mort cérébrale? Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il y a eu cette erreur historique de dire la conscience est tout ou rien. Non, on peut être plus ou moins éveillé, plus ou moins conscient. C'est ça la réalité biologique. Pour répondre à la question sur la mort cérébrale, vous savez, en médecine, tous nos diagnostics sont probabilistes. On pense que vous avez telle ou telle maladie, mais quand on dit le patient est mort, on a quand même intérêt à ne pas se tromper. Et donc, depuis les années 50, où il y a cette nouvelle machine, le respirateur artificiel, les soins intensifs, on a des critères qui sont très précis sur ce que c'est la mort cérébrale. Et jamais un seul patient a récupéré conscience avec les critères cliniques de la mort cérébrale. On a un coma où on connaît la cause, donc on va exclure qu'il n'y a pas d'intoxication, que le patient n'est pas refroidi. Et tous les tests au bord du lit montrent qu'il n'y a plus d'activité cérébrale, il n'y a plus de réflexe du tronc cérébral. Donc c'est le médecin qui va mettre la petite lumière dans les pupilles, qui ne bouge plus. Il va vérifier que le dernier test, il n'y a plus de réflexe de respiration. Et alors, quand le cerveau est mort, vous êtes mort. Comme c'est un diagnostic important, on va le confirmer avec des tests objectifs. Le meilleur, c'est de vérifier que le cerveau, qui a besoin de beaucoup d'apports énergétiques, de flux sanguin, eh bien, il n'y a plus de cerveau qui reçoit du sang, qui n'est plus irrigué. On va le démontrer avec différentes techniques. Et donc là, c'est la mort cérébrale. Et on va parler alors de éventuellement dons d'organes et transplantations. Mmh. Donc voilà, donc il faut bien être au clair là-dessus. Parce qu'effectivement, comme on va parler de ces états de conscience altérés, de ces états limites de conscience, il faut que nos auditeurs, et on sait que vous l'avez souligné, Steven Lorez, que c'est un problème en France, même auquel on est en train d'essayer de résoudre, en disant que nous sommes tous bien. Bientôt, la loi vient de changer, donneur d'organes par défaut, sauf le fait de prononcer un avis contraire justement à une personne proche ou de laisser des directives anticipées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mort cérébrale, une fois qu'elle est diagnostiquée, il n'y a que dans ces cas-là, certifiés et assurés par un certain nombre d'examens que vous venez de prononcer, qu'on peut devenir potentiellement un donneur d'organes. En réalité, il y a deux scénarios. Oui, donc classiquement, c'est quand le cerveau est mort, la mort cérébrale. Comme vous le dites, il y a cette discussion en France sur comment pallier à un vrai problème. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement en France, il y a des personnes qui sont sur la liste d'attente et qui vont mourir. On le sait, un pourcentage vont pas avoir de transplantation à temps et vont mourir. Et donc, je pense que c'est très important que chaque citoyen réfléchisse et va informer qu'il est ou pas donneur. On peut sauver cette vie avec une personne en mort cérébrale. Et même si maintenant, et c'est déjà le cas en Belgique, où on est tous donneurs par défaut, néanmoins, je demande à chacun de le mettre sur papier, d'être très clair et explicite sur cela. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je vois une famille aux soins intensifs qui a un proche dans le coma et je dois les annoncer que la situation évolue mal, qu'on va vers la mort cérébrale et qu'on pense aux procédures de don d'organes. Alors ça fait énormément d'informations en une seule fois, c'est un moment horrible où la famille peut dire non, on n'est pas d'accord. Et alors on va pas le faire, même si légalement on pourrait. Et donc, j'invite vraiment chacun à réfléchir, à mettre cela sur papier, à informer un maximum de personnes. C'est très facile maintenant, il y a plein de possibilités pour le faire, parce que on constate que ça peut donner un sens dans ce drame énorme qui est de perdre un proche. il y a quelque part ce sentiment que ça peut encore avoir un certain sens parce que peut-être d'autres vies vont pouvoir être sauvées. Et donc, si vous ne le faites pas, votre famille peut avoir la fausse impression, mais quand même l'impression que c'est eux quelque part qui ont décidé, qui ont approuvé, et ça, il faut l'éviter à tout prix. Donc j'invite chacun, c'est pas un sujet évidemment très agréable, mais je pense que vraiment c'est important qu'on en parle et qu'on évite qu'en Belgique, pour le moment, c'est 1200 personnes sur la liste d'attente, et on sait que 2017, 100 d'entre eux vont mourir. Mmh. Et pour la France, vous pouvez faire le calcul, c'est des chiffres trop importants pour ne pas en parler. Voilà, on va vous mettre aussi, puisqu'il y a des sites qui vous permettent d'imprimer un petit papier ou d'avoir une carte sur vous dans votre portefeuille pour dire, par principe, je suis d'accord pour donner mes organes en cas de mort cérébrale. Peut-être, j'aimerais qu'on revienne au cœur de notre sujet, Stephen Loret, c'est-à-dire cette notion d'état de conscience dit limite, de conscience altérée. On a en français un seul mot pour dire conscience. D'autres langues, l'anglais notamment, on utilise plusieurs mots pour définir plusieurs aspects de ce qui constitue la conscience. On avait consacré une émission ici même avec Lionel Nakache, entre autres, sur les états de la conscience. On va vous mettre le lien, c'est déjà fait d'ailleurs, du podcast de cette émission. Mais qu'on comprenne bien la différence entre ce qui relève de l'état d'éveil, c'est-à-dire le fait d'être conscient, et de la conscience, c'est-à-dire de ce que les Anglais appelleraient « awareness » par exemple. Oui, tout à fait. Donc, on a les deux dimensions. Donc, tout d'abord, pour être conscient de soi-même, de son environnement, il faut être éveillé. Et j'aime bien cette définition qui est très pieuse, que la conscience est ce qu'on perd toutes les nuits quand on s'endort. Notre niveau d'éveil diminue, on ferme les yeux à un moment, on perd conscience de ce qui nous entoure. Le rêve est déjà un exemple très illustratif de comment c'est difficile. Parce que quand je vous vois endormi, eh bien c'est bien possible que vous êtes quand même en train de rêver d'avoir un vécu subjectif intérieur qui pour moi est inaccessible. Et donc toute cette difficulté, je pense que comme clinicien, il faut bien être conscient que notre mesure de la conscience est toujours biaisée par une réponse motrice. Parce que mon test de la conscience, comme vous dites, la conscience du monde extérieur, c'est quoi ? Je vais vous poser une question simple, serrez-moi la main, regardez le plafond, bougez le pied. Si vous le faites, c'est la preuve que vous êtes conscient. Mais évidemment, si vous ne le faites pas, est-ce que j'ai vraiment prouvé que vous êtes inconscient de vous-même, de votre environnement? Peut-être vous êtes sourd, je vais le noter. Peut-être vous êtes paralysé et votre cerveau dit bouge, bouge, mais il n'est plus connecté avec les muscles. Après un trauma, il y a des lésions au niveau des nerfs, au niveau de la moelle. Et donc, il y a énormément de limites à cette mesure clinique de la conscience de soi et de l'environnement. De là l'intérêt, pour certains de ces patients, d'utiliser ces technologies, ces scanners, ces machines qui voient qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce cerveau. Et donc ça nous aide à réduire l'incertitude au niveau du diagnostic. Est-ce que cette personne est consciente ou pas? Et dans quelle mesure? Est-ce qu'il y a des chances de récupération? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau thérapeutique? Et donc, on a développé à Liège, par exemple, un test où on va de bouger la main, mais on ne regarde pas la main, on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Et donc ça peut nous aider chez certains de ces patients où il y a plus ce qui se passe dans le cerveau, dans l'esprit, que on pourrait quantifier, mesurer au bord du lit, parce qu'on est biaisé par cet examen qui nécessite une réponse motrice. On va reparler dans quelques minutes justement de tout ce que les progrès en matière d'imagerie médicale nous permettent de savoir, d'identifier, de diagnostiquer, de comprendre sur ces états de conscience limite du cerveau. Peut-être un mot avant cela pour bien comprendre que effectivement la difficulté que vous dites, c'est que on ne peut pas attester de l'absence totale de conscience. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse qu'il n'y a pas de conscience derrière. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on a localisé les zones qui sont à la fois celles de l'état d'éveil? Je crois que celle-là, on la connaît bien. Il est beaucoup plus difficile, en revanche, de pointer des zones du cerveau qui, elles, correspondraient à l'awareness, c'est-à-dire à la conscience du monde. Stephen Loret. Tout à fait. Donc, pour ce qui est la conscience de l'environnement et de soi, je pense quand même qu'il y a maintenant suffisamment d'études, j'en discute aussi dans le livre, pour identifier un réseau de la conscience. Ce n'est pas une petite région, c'est vraiment un vaste réseau. En fait, il y en a deux. Pour tout ce qui est la conscience du monde extérieur, c'est-à-dire tout ce que vous entendez en ce moment, ce que vous voyez, tout ce qui passe par vos sens, tout ce qui est sensoriel, perception, il y a un réseau devant et derrière, on dit fronto-pariétal, probablement dans chaque hémisphère. Vous avez dans le cerveau deux hémisphères et chacun probablement a sa conscience. Et ça, c'est important d'identifier ce réseau-là de la conscience du monde extérieur, le monde qui nous entoure. Ensuite, il y a cette conscience de notre monde intérieur, cet univers intérieur, cette petite voix qui probablement en ce moment même vous parle, ce qui nous permet d'avoir des rêveries, de l'imagerie mentale. Ça dépend d'un deuxième réseau qui est justement intérieur, à nouveau devant et derrière. Et cette connaissance-là, on essaye maintenant de la traduire vers la clinique pour essayer de mieux aider ces patients. Et on va, avec toutes ces différentes machines, documenter dans quelle mesure ces deux réseaux de la conscience sont blessés, sont abîmés, ce qui nous aide aussi à réduire l'incertitude en ce qui concerne le pronostic. Et alors précisément, Stephen Lorez, en cas de coma, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une forme de lésion typique qui induit le coma? Est-ce que c'est un ensemble de lésions? Est-ce que le coma est induit aussi dans une certaine mesure pour protéger le cerveau tant qu'il peut encore être protégé? Comment est-ce qu'on définit justement ce passage en neurobiologie du coma? Alors quand le cerveau est gravement blessé, vous êtes inconscient, dans le coma, c'est-à-dire impossible de vous réveiller. Vous avez quelqu'un qui a les yeux fermés. Classiquement, il ne sait même plus respirer spontanément. On a besoin de toutes ces machines. C'est ce qu'on appelle les soins intensifs. C'est le trauma, hein, malheureusement. Et il faut souligner qu'en France, la première cause de décès des jeunes adultes, c'est le trauma crânien. C'est aussi la première cause d'handicap sévère. Et donc, je pense que on parle là, pour moi, d'une épidémie silencieuse. Et c'est important de, aussi bien d'un point de vue préventif, parler de ce risque de trauma, malheureusement encore beaucoup trop d'accidents de circulation, et puis quelque part avoir plus d'intérêt pour cette problématique-là, parce que c'est quand même énorme comme chiffre pour la France, pour l'Europe. Mmh. Et donc là, vous avez classiquement l'ensemble du cerveau qui est blessé. Il y a différents cas de figure. On a une partie qui a pris un choc, qui va saigner. On est dans une boîte crânienne qui est très dure. Donc si ça saigne là-dedans, vous allez comprimer, abîmer le reste du cerveau. Ensuite, et maintenant, on a des airbags, on a des ceintures de sécurité, mais c'est très difficile de protéger ce cerveau de ces accidents de décélération. Vous êtes dans la voiture ou en moto, vous roulez à 100 km/h contre un mur en béton, vous allez de 100 à 0, et alors cette décélération va casser les connexions dans le cerveau. Parce qu'on ne parle pas uniquement de la matière grise, c'est ces milliards de cellules, de neurones, mais ce qui est important pour que ce cerveau fonctionne, c'est qu'il est connecté. Et là, on parle de milliers de milliards de synapses, de ces connexions, et donc ces petites autoroutes qui sont là dans le cerveau, ces axones, ils vont casser et ça peut aussi donner un coma. Une troisième cause, mais elle est beaucoup plus rare, c'est que justement c'est le système d'éveil qui est abîmé. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait une lésion beaucoup plus focale au niveau du tronc cérébral. Donc ça, c'est les trois grandes causes de coma. On parle en termes d'étiologie, donc de trauma, de arrêt cardiaque, parce que là, vous n'avez plus d'apport sanguin, donc c'est l'ensemble du cerveau qui souffre, ou bien c'est l'hémorragie et toutes les conséquences qui vont avec. Classiquement, pour nous, c'est beaucoup plus difficile de prédire le pronostic quand on parle de trauma crânien ou d'hémorragie. En cas d'arrêt cardiaque, comme c'est tout le cerveau qui a souffert, très vite, on va savoir que la situation est très grave. Et malheureusement, on voit beaucoup moins de récupération inespérées ou des surprises, je dirais. Oui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But lies say this loving's best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma des Massive Attack sur France Culture à 16h32, puisque nous parlons tout au long de cette heure de coma et des états limites de conscience avec Steven Lorès qui est avec nous en duplex depuis les locaux de nos collègues de la RTBF à Liège, qui est neurologue au CHU de Liège, professeur à l'Université de Liège et auteur d'Un si brillant cerveau, les états limites de la conscience aux éditions Odile Jacob. Alors on a entendu parler d'un certain nombre de méthodes d'imagerie médicale, d'investigation. On s'intéresse bien sûr beaucoup au cerveau, on va en reparler à travers des IRM fonctionnels, des PET scans. Mais il y a d'autres façons aujourd'hui de diagnostiquer un état de conscience diminué. De nouveaux examens qui s'intéressent aux réponses des autres parties du corps. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à l'ICM, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, où l'on n'écoute pas que le cerveau, mais aussi le cœur. Oui, en tout cas, c'est du côté du cœur que s'est tournée l'équipe de Jacobocyt, que j'ai rencontré donc à l'ICM, à la Pitié-Salpêtrière. Pendant 3 ans, avec son équipe, Jacobocyt, grâce à des stimulations sonores, a étudié la modification des battements cardiaques de patients dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale. Et les résultats de cette étude pourraient permettre à l'avenir d'affiner le diagnostic concernant ce type de patient, mais aussi d'apporter un outil de diagnostic complémentaire pour évaluer l'état de ces patients. So far, all the tools were neurocentric. They were based on the brain, because if consciousness occurs in the brain. Jusqu'à présent, tous les outils étaient tournés vers le cerveau, parce que si on est conscient, c'est grâce au cerveau. Mais il ne faut pas oublier que le cerveau contrôle le corps, contrôle le cœur, la respiration. Et ce que nous avons essayé de faire dans cette étude, c'est de mesurer dans le corps la réaction du cerveau au monde extérieur. On a cherché donc des preuves corporelles indirectes du fait que le cerveau est conscient du monde extérieur. Combien de patients vous avez suivis pour cette étude et quel type de patients, dans quels états ils étaient ces patients-là? In this study, we included 120 patients recorded along. Cette étude a impliqué 120 patients qui ont apporté des données pendant 3 ans. Nous avons observé l'activité cardiaque qui n'avait jamais été observée chez ce type de patients. La moitié de ces patients étaient dans ce qu'on appelle un état végétatif, c'est-à-dire qu'ils ont les yeux ouverts, sans qu'on ait aucune évidence qu'ils sont conscients du monde qui les entoure. L'autre moitié était dans un état de conscience minimale. Et dans ce cas, ils sont toujours très affectés, mais ils donnent des petits signes de conscience. Par exemple, ils peuvent suivre des yeux une personne dans leur chambre, ou ils peuvent répondre à des ordres très simples, comme fermer les yeux ou lever un bras. So for instance, they may track with their eyes people in the room. They may respond to commands, like simple commands, like asking them to raise an arm or close their eyes. But still, they cannot use this behavior to communicate. Mais pourtant, ils ne peuvent pas utiliser cela pour communiquer. Donc, on a cherché à savoir si le cœur réagissait différemment à un stimulus extérieur chez les patients en état végétatif et chez les patients en état de conscience minimale. Alors justement, cet état de conscience, vous l'avez relevé, en tout cas, grâce à des sons. Comment ça se passait en termes d'expérimentation ? We've been using this paradigm of stimulation for almost 10 years now. Originally, the idea was to measure in the brain. On se sert de ce type d'expérience de stimulation depuis bientôt 10 ans. L'idée de départ était de faire entendre des sons aux patients et de mesurer dans le cerveau des irrégularités, quelque chose qui, soudain, est différent. Et si le patient est connecté au monde extérieur, alors il va réagir à ces irrégularités sonores et on verra une activité cérébrale. Mais dans notre cas, c'était différent, parce qu'au lieu d'observer le cerveau, on regardait le corps. Alors, est-ce qu'on pourrait entendre un peu ces sons, je ne sais pas, est-ce que si vous voulez. This would be like the regular. Voilà la stimulation sonore régulière. So what you see, vous entendez, tous les sons sont les mêmes, et le patient entend ces sons encore et encore. Et soudain, il entend ça. Le dernier son était ici différent. C'est ce qu'on appelle une déviance locale et une déviance globale parce que ça casse la régularité locale et la régularité globale. Ce qu'on a pu observer dans notre étude, c'est que lorsque cela arrive, on constate un changement dans le cycle cardiaque et c'est ce changement qui est important pour déterminer l'état de conscience de la personne. Et ce changement d'état, c'est une accélération du rythme cardiaque ? Exactement, le battement cardiaque qui arrive après le deuxième son, arrive un peu plus tôt que la prédiction. C'est comme une augmentation instantanée de la fréquence cardiaque. Et ensuite, ça revient à la normale. Comment cette étude, elle va pouvoir aider les médecins et les familles également à accompagner ces patients, à peut-être pour les médecins améliorer le pronostic et éventuellement le traitement ? The first thing that is enthusiastic for us is that in the same paper we show. La première chose qui est satisfaisante pour nous, c'est que dans notre étude, on montre que lorsqu'on combine les informations du cœur et du cerveau, on obtient une bien meilleure précision dans la classification. Les médecins peuvent avoir une image beaucoup plus nette de l'état de conscience du patient lorsqu'ils combinent les données électroencéphalographiques et les données cardiaques. Ça, c'est pour la partie diagnostique qui est essentielle. Mais à côté de ça, on pense que ces signaux corporels, comme ceux du cœur, sont bien plus faciles à observer, et ce, dans n'importe quel type d'hôpital. Aujourd'hui, on se sert de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, de la tomographie ou encore de l'électroencéphalographie, mais tous les hôpitaux ne peuvent pas s'équiper de ces outils. Avec un outil comme celui dont on parle, on peut permettre, y compris à des petits hôpitaux, d'avoir un kit d'évaluation qui donne les premières lignes de preuve. Now that we know that the body is reacting to these sort of stimulations, we are already launched a research program. En ce qui concerne ce qu'on pourra faire ensuite, maintenant qu'on sait que le corps réagit aux stimulations sonores, on a déjà lancé un programme de recherche qui inclut d'autres signaux corporels de conscience, comme par exemple la respiration. Ce qui est intéressant avec la respiration, c'est qu'on la contrôle aussi bien consciemment qu'inconsciemment. Si je le veux, je peux en modifier le rythme, l'intensité et la relâcher. Ce qui est intéressant quand deux personnes parlent, c'est qu'on régule notre respiration, même si on n'en est pas conscient. Ce dont on est conscient, c'est du fait que l'on discute. Donc, on essaye de développer cette approche écologique en ne regardant que la respiration pour déterminer le niveau de conscience du patient, même s'il n'est pas capable de répondre. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Une réaction, Steven Lorez, à ce que vous venez d'entendre, à ces nouvelles voies d'investigation? Oui, je pense que c'est formidable de voir qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux, de centres qui s'intéressent à cette problématique. Quand on a commencé dans les années 90, la recherche sur le coma était un peu comateuse elle-même. Donc ça, c'est très important, c'est très bien. Et les résultats sont intéressants, pas uniquement dans un contexte scientifique, mais aussi clinique. Maintenant, je me permets peut-être d'ajouter que il y a tous ces études, ces publications, et on a parlé de ces nouvelles technologies, et c'est important d'investir dans le high-tech, mais il faut aussi investir dans le low-tech et les soins pour ces personnes qui quittent les soins intensifs. Et je crains que pour la France, il y a encore des grandes inégalités. Il y a, en fonction des régions, beaucoup de familles qui ont des énormes difficultés à retrouver des centres qui sont prêts à les accueillir, à proposer une rééducation après des maisons de repos et de soins, après l'accompagnement au domicile. Et ça, je pense que c'est important aussi. Il n'y a pas que ces publications et ces technologies, mais qu'il y a encore beaucoup à faire en Europe et en France pour améliorer le trajet de soins de ces personnes qui prennent plus de temps, justement, pour leur récupération. Bien sûr, et puis on va revenir justement sur l'après, sur les cas de réveil, même si il faut rappeler que ces cas de réveil sont pas toujours évidents ni nombreux, et qu'ils amènent souvent un certain nombre de conséquences, de traumatismes accompagnant ces réveils qui sont effectivement, comme vous venez de le souligner, difficiles et complexes à gérer pour les patients et pour leurs familles. J'aimerais tout de même qu'on dise un mot, vous le disiez à l'instant, hein, ces études sur le coma et les états limites de conscience, finalement on a fait des progrès très récents, en grande partie grâce aux mécanismes et aux nouveaux appareils d'imagerie médicale comme les IRM fonctionnels, comme on l'a pu entendre, la tomographie, les électroencéphalogrammes. Vous avez vous-même montré, hein, Steven Lorez, en 2009, donc autant dire avant-hier, que 40% des patients qui étaient diagnostiqués en état dit végétatif, donc en état d'éveil non répondant, avaient encore en fait des signes de conscience. Oui, c'est un diagnostic difficile. Je pense qu'on ne peut pas construire sur du sable. Quand le diagnostic n'est pas bien documenté, c'est difficile de prendre une décision qui est, d'un point de vue médical, d'un point de vue éthique, juste. Et donc, oui, il faut augmenter nos efforts à mieux comprendre ces différents états. Historiquement, on a peut-être trop simplifié. Il y avait le coma, puis la mort cérébrale, et puis il y avait ces fameux éveils non répondants, hein, qu'on appelait avant état végétatif. Et finalement, on considère qu'ils attendaient que la mort. On sait maintenant que beaucoup de ces patients ont une forme de conscience et c'est important. Ça rend les choses peut-être plus compliquées, mais c'est la réalité. Et pour moi, rien n'est pire que d'être dans un lit, un hôpital, avec l'étiquette végétatif, c'est-à-dire il ne sent rien, on peut tout faire, et en réalité avoir quand même une perception. Donc je pense que c'est important, mais évidemment, il faut, comme on l'a dit, bien discuter sur la qualité de vie. Et ça, c'est très difficile, et ce sera différent pour chaque citoyen. L'état de conscience minimale dont nous parlons depuis tout à l'heure, c'est en fait un état qui a été défini très récemment. Tout à fait. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Quelles sont les données neuropathologiques dont on dispose? Comment est-ce que tous ces états de conscience minimales sont distincts? Est-ce qu'ils sont communs à tous les patients? Est-ce que il y a une échelle, une gradation dans ces états de conscience minimales dont rendent compte précisément les IRM fonctionnels ou des PET scans à la recherche de la consommation de glucose du cerveau, par exemple? Oui, tout à fait. Mais déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au bord du lit, avec des outils qui sont pas chers. C'est simplement une évaluation clinique standardisée, de faire le même test, l'examen clinique, chez tout le monde et aussi de le faire de manière répétée. Nous venons de publier un article où on dit qu'on peut pas comme ça rentrer dans une pièce et sortir et dire il est végétatif, il est non répondant. Non, il faut examiner le patient au moins à 5 reprises, parce que la situation est telle qu'il y a des fluctuations. Je peux l'examiner maintenant, et puis je reviens l'après-midi ou demain, et je peux voir autre chose. Et donc ça, c'est important. Deuxième chose, je pense qu'il faut aussi plus écouter les familles, parce que très souvent, ils ont un lien particulier, évidemment, et ils passent beaucoup plus de temps avec ces personnes. Donc il faut, je pense qu'on a peut-être été un peu trop arrogant quand on disait, ben voilà, moi, grand spécialiste, je dis que, eh bien, parfois, et c'est bien documenté, par exemple, pour le Locked-in syndrome, mm-hmm. où c'est la famille et pas l'équipe médicale qui va être la première à identifier, ben là, il y a quelque chose. Parfois, évidemment, ils voient des choses parce que ils veulent voir des choses et c'est pas la réalité, mais aussi, et très souvent même, ils ont raison et donc il faut essayer de les écouter et aussi d'utiliser une stimulation qui a un sens émotionnel pour le patient. Parce qu'il y a des personnes, donc, après cet éveil non répondant, qui soudainement vont rigoler à une blague, ou ils vont faire un sourire quand c'est un proche, et uniquement un proche qui est dans la pièce. Donc, c'est des petits signes, les échelles qu'on développe maintenant vont permettre à les identifier. Il y a aussi la poursuite visuelle qui est très importante. Et moi, j'ai encore appris à l'université de simplement bouger ma main. Eh bien, on a démontré maintenant que c'est bien d'investir dans un petit miroir. Vous savez, c'est pas high-tech, un simple miroir, et que voir son propre visage va attirer notre attention et on va voir beaucoup plus de personnes qui montrent une poursuite visuelle qui très souvent est le premier signe de conscience. On va aussi parler aux patients avec leur propre prénom. On va utiliser la musique. Donc tous ces stimuli qui permettent de susciter une réponse. Solliciter, j'imagine, aussi différentes formes, différentes zones du cerveau, et donc voir que certaines peuvent être plus réactives que d'autres. Tout à fait. Donc là, il faut s'adapter, parce qu'on vient de parler d'un test avec des potentiels évoqués au niveau auditif, mais parfois, le patient n'entend pas bien ou il est même sourd. Donc, il va falloir chaque fois trouver des stratégies pour essayer de s'adapter à ce patient précis, cette personne avec son passé. Et donc là, les émotions jouent un rôle important. Et donc, on investit aussi dans le rôle de la musique pour essayer de voir comment le comportement et l'activité cérébrale va changer. Alors, Stephen Lawrence, j'aimerais vous faire réagir parce que le communiqué de presse est tombé tout à l'heure. Hein. Il vient de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui indique que pour la première fois, dans certains cas de coma profond associé à un électroencéphalogramme plat, hein, ce sont des comas qu'on appelle isoélectriques, les neurones et leurs réseaux sont fonctionnels et peuvent traiter des informations venant de l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie et si c'est un grand pas là aussi pour comprendre ces états de coma très très profonds dont on pensait qu'ils étaient finalement très proches de la mort cérébrale? Oui, tout à fait. Mais donc là, je pense qu'il faut aussi être clair, ce n'est pas des personnes qui sont en mort cérébrale. Je l'ai dit au début de l'interview, pour la mort cérébrale, il y a l'examen clinique et puis il y a les tests qui vont voir qu'il n'y a plus de sang qui va vers le cerveau. L'électroencéphalogramme, il est facile à faire. Hein, on met des électrodes et on voit. Et s'il n'y a plus d'activité cérébrale, ben, très souvent, c'est comme un mauvais signe. Mais on sait très bien que la sensitivité et la spécificité de ces tests n'est pas absolue. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui sont en mort cérébrale et on voit quand même qu'il y a encore une certaine activité, et à l'inverse, parfois le tracé est plat et ils ne sont pas en mort cérébrale. Donc c'est une étude très intéressante qui montre à nouveau qu'il y a plus qui se passe dans un cerveau gravement blessé et qu'avec l'électroencéphalogramme, on ne capte pas tout l'ensemble de ces milliards de neurones. Donc c'est un test facile, utile, mais on le sait très bien, c'est pas lui qui fait le diagnostic de mort cérébrale. Mais donc je suis très heureux de voir ces résultats et ça ouvre et ça nous donne toute une série de questions. Alors maintenant à nous de continuer dans cette voie. Le professeur Stéphane Charpie, hein, qui est à la tête de l'équipe qui a publié cette étude, écrit dans ce communiqué, le cerveau dans les états de coma isoélectrique que l'on croyait complètement perdu au sens fonctionnel du terme, est encore capable d'intégrer et de traiter des informations issues de l'environnement. Cela conduit à réévaluer le véritable statut neurophysiologique du cerveau dans ce type de coma. Est-ce que vous pouvez juste commenter cette déclaration qui oui, est intéressante fait, parce qu'on a l'impression qu'on a encore effectivement des champs entiers qui s'ouvrent de connaissances, de la finesse de ces différents niveaux d'activité, même très très faibles. Absolument. Et donc là, il ne faut pas trop d'arrogance scientifique. Quand on parle de notre conscience, je pense que notre ignorance, elle est énorme. C'est clair que le cerveau, il semble quand même être important. Et quand, comme neurologue, je vois des personnes avec des blessures au cerveau, eh bien, on voit que ça change vos perceptions, votre personnalité. Ça, je pense que c'est important de souligner. Mais personne ne comprend actuellement comment la matière... Ah, c'est la petite rupture de réseau. Perception. Et donc, toutes ces études, en particulier sur ce qui se passe à la fin, quand le cerveau est tellement abîmé qu'il fonctionne encore à peine, eh bien, je pense qu'il faut augmenter nos efforts à mieux comprendre ces différents processus biologiques qui sont d'une complexité énorme. Alors, il faut bien redire tout ça, que les cas de rémission sont toujours des cas complexes au sens le plus large du terme, parce que quand il y a une lésion, il y a souvent des séquelles, que ces séquelles peuvent être plus ou moins graves, et pourtant il y a toujours ces cas qui ont été très médiatisés. On parlait du rôle des médias tout à l'heure, de rémission soudaine, spontanée, subite. Écoutez, c'est une archive qui date de 2010. Un regard vif, éveillé, enfin. Les membres encore engourdis par un trop long sommeil, Jan Grebski, 65 ans, fait son retour à la vie. 19 années de coma. La veille, pour lui, c'était en 1988. Lorsque je suis tombé dans le coma, il n'y avait que du thé et du vinaigre dans les magasins. La viande était rationnée. Il y avait d'interminables files d'attente dans les stations-service. Lorsque ce cheminot est heurté par un train, la Pologne, c'est ça. Un pays exsangue aux mains des soviétiques et du général Jaruzelski. L'Eshvaleza, Solidarnosc, la chute du communisme, il n'a rien vécu de cette transition. Jan Grebski s'est endormi dans un pays et se réveille dans un autre. Ces cas de réveil sont extrêmement rares. Ce quasi-miracle est, selon ses docteurs, dû à son épouse. Pendant 19 ans, Madame Grebski a fait le travail de toute une équipe de services de soins intensifs, changeant son mari de position toutes les heures pour éviter qu'il ait des escarres. Père de 4 enfants, Jan Grebski doit maintenant faire connaissance de ses 11 petits-enfants. Voilà, on entend beaucoup de choses dans ce document qui date de 2010. On entend notamment, et il faut le rappeler, Stephen Lawrence, que ces cas sont extrêmement rares. Qu'est-ce que l'on en comprend aujourd'hui? Qu'est-ce que la neuroimagerie, qu'est-ce que les progrès techniques nous permettent de comprendre de ces cas de réveil inespéré? Donc il s'agit à nouveau d'un trauma crânien, donc comme je le disais, c'est là où on a encore le plus d'incertitudes. Donc c'est pas quelqu'un qui était des années dans le coma, donc c'est quelqu'un qui a eu un coma, qui a survécu, puis était sûrement dans un éveil non répondant. Probablement ici, il était dans un état de conscience minimal, mais le diagnostic n'a pas été posé parce qu'il était à la maison et n'avait plus beaucoup d'attention médicale. Mais néanmoins, ce qui est pour moi très impressionnant, que des années après, on voit une amélioration. Et donc le vieux dogme que quand on a une récupération, de toute manière, ça doit se faire dans les premières semaines, premiers mois, on voit que parfois, mais c'est rare, il y a encore des récupérations qui se passent après cela. Et ce qui compte pour moi, c'est que le monsieur, il est capable de dire « ma vie, elle vaut la peine ». Et donc à nous maintenant de... encore augmenter nos efforts pour développer des tests qui permettent de mieux comprendre la situation et le pronostic aux soins intensifs, parce que les décisions qu'on va prendre là sont énormes. Évidemment, quand je dis « il va mourir, j'arrête le respirateur », j'ai toujours raison. 5 minutes après, le patient, il est mort. Mais on ne veut pas vivre dans une société où, en particulier des jeunes traumatisés crâniens, n'ont pas tous les chances de récupération et qu'on va arrêter trop souvent. Mais je pense qu'aussi, il y a l'autre risque, c'est que comme médecin, j'ai peur d'arrêter et je vais continuer chez trop de patients et créer ces sortes d'artefacts de la médecine moderne qui sont pas comme ce monsieur-ci, mais des années et des années dans un éveil non répondant. Je pense que pour très peu d'entre nous, c'est quelque chose de souhaitable. Et donc, je pense qu'il faut vraiment augmenter nos efforts et puis en parler. Qu'est-ce que on doit faire? Quel est le souhait de chaque personne? Et ça, c'est compliqué. Je pense qu'historiquement, en France, on a été trop paternaliste. C'est le médecin qui tout seul prend des décisions. Et ça, c'est à éviter. Il faut pas tomber dans l'autre extrême et dire, ben, maintenant, à la famille de décider. Non, c'est un dialogue et c'est ça qu'on essaye de faire, d'être simple mais correct sur la réalité médicale et de vouloir faire le mieux pour ce patient précis. Un mot, Steven Lorès, parce que vous l'avez évoqué au début, tout de même, dans ces cas de réveil qui sont, rappelons-le encore une fois, rares. On a beaucoup parlé autour de cette table dans l'émission de ce que l'on sait et de ce que l'on a appris récemment, de la plasticité cérébrale, de la reconstruction de réseaux lorsque certains réseaux ont été endommagés. Est-ce qu'on a un peu de visibilité scientifique? Est-ce que la recherche a un peu de visibilité sur ces mécanismes-là? Est-ce que l'on sait s'ils sont impliqués dans ces cas de réveil et de reprise de conscience? Au niveau des réseaux de la conscience, des réseaux neuronaux qui se reconstruisent, qui se reconstruisent dans le cerveau quand certains ont été endommagés, qui peuvent prendre d'autres chemins pour reconstruire d'autres types de liens neuronaux. Tout à fait, mais il y a encore beaucoup de choses et c'est ça le défi de comprendre pourquoi et comment. Il y a pour le moment un projet européen qui s'appelle The Human Brain Project, qui est essayer de modéliser la conscience sur des ordinateurs et utiliser ces ordinateurs, ça va dans les deux sens, pour traduire ces connaissances vers la clinique. Mais vous avez tout à fait raison. Donc, on voit quand même que les IRM, par exemple, les résonances magnétiques deviennent de plus en plus accessibles, permettent de faire des photos de la matière grise, mais aussi et surtout de la matière blanche, de ces milliers de milliards de connexions, et puis de faire des IRM fonctionnels. On a beaucoup investi aussi dans ces IRM fonctionnels dites de repos, mais en réalité, le cerveau, il n'a jamais un repos, sauf en mort cérébrale. Et donc, on va essayer, avec l'électroencéphalographie dont on a parlé, de mettre toutes ces informations ensemble et essayer de mieux comprendre ce processus. Mais c'est évidemment compliqué. On parle d'un organe avec une complexité énorme, des milliers de milliards de connexions dans une soupe de neurotransmetteurs, on n'en a pas encore parlé, mais il y a plein de choses qui se passent au niveau de la dopamine, de l'acétylcholine. Et donc, il faut aussi stimuler l'industrie pharmaceutique qui a un peu abandonné ce domaine, où c'est parfois difficile d'aller vers l'humain, parce que les études sur l'animal parfois marchent et cela ne marche plus dans nos unités de soins intensifs, mais pourtant, la problématique est tellement grande et grave et l'impact humanitaire que, pour moi, il faut quand même augmenter nos efforts. Et un dernier mot, Steven Lorès, parce que nous arrivons au bout de cette émission, on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais on vous réinvitera pour faire une émission entière à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous travaillez sur les expériences de mort imminente, alors ce sont des expériences qu'on imagine qui ont suscité beaucoup de fantasmes, qui ont convoqué beaucoup de paranormal, mais qui sont des expériences de neurobiologie, de neurophysiologie tout à fait sérieuses, et vous voulez lancer un appel, notamment parce que vous êtes à la recherche de témoignages. Oui, si je peux faire quelques secondes, bien sûr, allez-y. Faites-le. Si vous avez une expérience comme ça, on la connaît, hein, c'est la lumière, le tunnel, ben contactez-nous courriel coma@ulg.ac.be. coma@ulg.ac.be. On a maintenant 1500 témoignages, mais ils nous en font encore beaucoup plus pour essayer de comprendre ce phénomène extraordinaire. Eh bien, on en reparlera. Je vous réinviterai. On en reparlera plus longuement autour de cette table. Merci beaucoup. De toute façon, on met ces coordonnées sur le fil Twitter de l'émission ainsi que sur la page de la méthode scientifique.fr. Merci beaucoup, Steven Lorès. Je rappelle votre livre Un si brillant cerveau, les états limites de la conscience aux éditions Odile Jacob. Et puis, un grand merci également aux confrères de la RTBF pour le duplex depuis Liège. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Nozen, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomei, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Elisabeth Grenescoto au droit d'auteur.